Mira, pa. Ya perepe. Guaperete. Sunday morning, didn't know was better, ma. Papa, viens papa. Bye. Do you wanna play? Wow. Good luck. De plus avoir peur, de plus espérer, de plus attendre. Just a wannabe human. I just wanna human. After all, The word cause the sky is green. Makes me cry. Makes me cry. Oh. Grâce à mes amis musiciens, me poussant hors des limites. vers l'extérieur. Me recentrant vers l'intérieur. À l'endroit, à l'envers. Cette civilisation.